Très bien, avoir l'air d'une souillon. Je ne retiens ce qu'elle a de bon. Ses cheveux gras pourraient bien me cacher un souriant visage de la fin à creuser. Ça sent fort la sueur et la piquette séchée jusque dans son cœur bien trop alcoolisé. Madame a les dents grises, ou bien noires, ou tombées. Elle ne défait sa chemise que deux fois dans l'année. Dans leur silence, les dents sont méchants. Le monde avance pendant que le temps nous tient. S'en va le da da da. La la la. Dort-elle vraiment quand le mercure s'enfuit et que le blanc vient habiller la ville? Quand une bouteille a remplacé maison, faut la voir qui s'éveille, rouge comme un brugnon. Les dents sont méchants, le monde avance pendant que le temps du soutien s'en va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.